pas, ne doute pas. Titigno, Titigno, parrain, parrain, MS3, MS3. Serait temps de remettre tes pendules à l'heure. Sur terre avec des coups, frère. Sur le trajet de la rue, je me suis arrêté au boulevard du rap. MS3, unité de guerre et puissance de frappe. Serait temps de dire la vérité. Sarko, ton poste, tu l'as pas mérité. C'est la réalité, la guerre, c'est ce qu'on vit dans nos cités. Trop de choses dans mon empire. Ça sert à rien de dire et de faire, c'est encore pire. Serait temps de prendre le navire du futur et de penser à l'avenir. Avec ou sans famille, à ce que tu vas devenir. Dis le rap, suivre où tu rames. Finir à 30 ans ou à la retraite. Faire ressortir un traître de la zone. Par le diable, buté par le marchand de sable. Serait temps de savoir que la mort n'est qu'une prochaine étape de la vie. Pourquoi se mentir, on finira tous sous terre rongée. Et maintenant c'est la vie, et pour vivre faut manger. Pour ça par la une personne à gamberger. Serait temps de voir MS3 forcé dans le rap. En force, MC lâche-moi la grappe. Et gratte pas l'amitié, qu'est-ce que tu veux, on l'a dans le sang comme un métier. Miss, serait temps d'arrêter de la péter. Tes dossiers je les connais, laisse pas les répéter. Arrête de faire la michetonneuse et garde ta fierté. Serait temps de réaliser que tu fais pas poids face à nous. Serait temps de réaliser qu'il y a des balles là qu'on se mettra à genoux. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids, MS3 c'est nous. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids face à nous. Serait temps de réaliser qu'il y a des balles là qu'on se mettra à genoux. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids, MS3 c'est nous. Serait temps de réaliser, serait temps. Il serait temps qu'on prouve aux gens qu'on les aime. Il serait temps que les gens qui croient fausser des hommes le deviennent. Il serait temps que l'égalité s'installe. L'égalité doit trouver sa place dans nos cœurs. On a de la place que pour les personnes inférieures à nos yeux. Mais il est pourtant temps que tout cela s'installe avec délicatesse. Le parrain a su comment s'installer chez MS3. Alors installe-toi et ne bouge pas. Agra, ça paye pas. Ne fais pas ça. Non, on ne la fait pas. N'essaye même pas. Ça marche pas. Cherche pas. Écoute ça. Il serait temps, c'est comme ça. Ça s'appelle, sinon mets-toi un doigt et marche droit. Il serait temps que Sarko arrête ses mythos et nous sorte de nos ghettos. Gros, ramène la meute, il est temps qu'on fasse une émeute. Le temps c'est de l'argent, c'est pour ça que serait temps qu'on pense à l'argent. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids face à nous. Serait temps de réaliser qu'il y a des balles là qu'on se mettra à genoux. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids, MS3 c'est nous. Serait temps de réaliser, serait temps. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids face à nous. Serait temps de réaliser qu'il y a des balles là qu'on se mettra à genoux. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids, MS3 c'est nous. Serait temps de réaliser, serait temps. Il serait temps de réaliser, tu fais pas le poids face au MS3. Un info des petits comme toi. Si je veux pas de phrase avec Croc MC, calme-toi. Il serait temps de réaliser que seul le talent paye. Qu'on passe ça en attendant le jour de la paix. Il serait temps de faire les choses sérieusement. En attendant le jour du jugement. Il serait temps de réaliser que ça a de rivaliser. J'ai toujours le feu qu'il faut, mais avec beaucoup brisé. Il serait temps que les FMC ferment leur gueule. Une vraie valeur single. Qu'on fasse passer les flics comme George Michael. Il serait temps que les grosses bouches. La mettre en veilleuse, MS3 depuis quelques temps dans le rap français. Qu'on nous accuse déjà d'avoir tout défoncé. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids face à nous. Serait temps de réaliser qu'il y a quelques valeurs qu'on se mettra à genoux. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids, MS3 c'est nous. Serait temps de réaliser, serait temps. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids face à nous. Serait temps de réaliser qu'il y a quelques valeurs qu'on se mettra à genoux. Serait temps de réaliser que tu fais pas le poids, MS3 c'est nous.